Ah gros, imagine, tu trouves une valise. Une valise remplie de kilos et tout. Exactement. Attends, tu sais, je fais quoi? Allô, déjà, je prends mon phone, j'appelle mon pote comme un homme. Je lui dis, poteau, faut que tu viennes, la vie est folle. Avec 100 kills, je fais la tonne. Ma meuf est belle, mais elle est conne. La vie de ma mère, je baiserai, la meuf est la plus bonne. Plus de sentiments, je paye mes bails. Je viens en bas de ton chill car et je te ravitaille. Pablo du 9-3, goûte ma cam. Fais pas si tu tapes un rail. Tu pètes un gueule, tu demandes le price. Sans ta patte pour ta queue de la caille. Mais ma seule drogue reste le bédo. Maman veut pas de mon argent sale. Grâce à la valise, je fais des cadeaux. J'suis avec Val, ça tourne sur Panam. Un jour ou l'autre, ils vont se dire que le pire reste à venir. J'préfère prévenir que guérir. Mes frères ont pris du ferme pour l'herbe. Un jour ou l'autre, ils vont se dire t'as fait pour 1002, c'est le pire. Je veux compter violet, jaune, vert. Une valise, je quitte vos terres. L'autre fois j'étais dans la street, ça sentait le shit de l'enfer. Yes. À tous les coups au corner, je vais croiser des putains d'épiques qui zonent, qui vont me dégainer VA. Ouais, t'as pas dit bonjour ta mère, la vie zigote. Au lieu de ça, je tombe sur une camionnette, porte arrière entrouverte, ça sent la peufra, le spliff qui cogne. Rapide coup d'œil du côté passager, personne non plus qui tient le volant. Je suis comme affolé, je retourne à l'arrière, je tire la porte. Le coffre est comme rempli à rabord, comme Piper Perry en fin de gangbang. Scole du renfort. Allô, ma gueule, comment on fait les fils? Surpris, il me dit comment ça, comment on fait les fils. Je lui dis frérot, là c'est Dieu qui m'envoie un signe. Je viens de tomber sur une camionnette avec dedans 100 kills. Ou peut-être 200, qu'est-ce que j'en sais, de façon ça tient pas sur ma pesette. En 37 qui sait les portes, c'est lui qui fait démarrer la tire. Sur le péri, ils font croiser au shérif. Ses narines frémissent, mais lorsqu'il nous regarde, il voit de Paula qui revient du chantier. C'est pour ça qu'il arrête le rebeu dans la Twingo derrière. Hors de portée, je creuse mon plan. Soit la moitié, ça sera ma con sa vie. L'autre moitié, tu la vends et on partage le bénéfice. Il dit, si y'a que moi qui vends, on partage un jour, c'est moi qui vont se dire que le pire reste à venir. Je préfère prévenir que guérir. Mes frères ont pris du ferme pour l'herbe. Un jour ou l'autre, ils vont se dire t'as fait pour 1002, c'est le pire. Je vais compter violet, jaune, vert. Une valise, je quitte vos terres. Happy birthday. Oh maman, Guido. Hello, Merry Christmas. Ma vie défile, un Loki et c'est fini. T'es comique ou cinéphile, j'suis dans le cockpit, t'es dans le building. Oh smic, ma vie défile, un Loki et c'est fini. T'es comique ou cinéphile, j'suis dans le cockpit, t'es dans le building. Gamon vert.